Bonsoir. Bienvenue à cette conférence de Daniel Kempt intitulée « Pourquoi Adolf Hitler a-t-il perdu la guerre? » Je vous rappelle que les enregistrements audio de cette conférence sont disponibles dès la fin de la première partie à l'extérieur. Pour commencer, Adolf Hitler, c'est un... De quelle origine il était exactement? Il faisait partie de la race humaine. C'est précis. De quel pays? On prétend qu'il venait de l'Allemagne. C'est un Allemand ou un Juif? C'est un Italien. Un Italien. Il habitait en Allemagne? Adolf Hitler est né pour la première fois en l'an 42 avant Jésus-Christ. C'est une réincarnation de qui? À Rome. Il s'appelait comment? On a changé son nom quelques fois au fur et à mesure qu'il grandissait. Il a été adopté par plusieurs familles. C'était un bonhomme qui partait de loin, de bas, et qui a fini empereur à l'époque. À Rome? Oui, en 14, il a été nommé empereur. On l'a connu sous le nom de Tibère. Alors, c'était un Italien. Sa mère, dans l'actuelle époque, était juive, enfin sa grand-mère. Alors, il était mi-juif et mi-allemand, si on veut parler d'Adolf Hitler d'aujourd'hui. Son corps physique en Allemagne était mi-juif, mi-allemand. Mais lui, c'était une réincarnation de Tibère. C'est une réincarnation de plusieurs autres personnages entre Tibère et lui. Mais du personnage qu'on n'a pas trop connu, il a été évêque. Il a été, pendant un grand bout de temps, un évêque qui faisait peur à quelques papes. Il a été un personnage qui ne fut pas extrêmement célèbre, mais qui, dans toutes ses incarnations, a été un personnage qui a lutté contre l'Église catholique. Même lorsqu'un jour, il a été pape lui-même. Il luttait contre alors qu'il était pape. Il était quel pape? C'était brillant. C'était une soupape? Presque, une soupape à l'Église, une soupape au peuple. Sa dernière incarnation, c'est un évêque. Il a connu, d'ailleurs, dans cette incarnation-là, un bonhomme assez intéressant qui va s'appeler par la suite Himmler, qui va être l'un des grands chefs de l'ésotérisme nazi et le personnage qui va rendre Adolf Hitler, s'il est, va être Henri Himmler, un de ses grands amis dans d'autres incarnations. Et ce personnage est celui qui, finalement, va engendrer l'idée des camps de concentration. Ce n'est pas Adolf Hitler. Il va aussi engendrer... Il va supporter le côté totalement satanique et négatif du nazisme. Est-ce que Hitler est conscient de ça? Adolf Hitler n'est pas conscient de cela. Adolf Hitler a une seule idée en tête. C'est, premièrement, avoir du pouvoir. Deuxièmement, retrouver quelque chose qu'il a déjà possédé, qui est une lance, la lance que Longinus avait à l'époque du Nazaréen. Et on sait que Tibère vivait lorsque le Nazaréen était crucifié. La lance devait être ramenée à Tibère. Elle a été ramenée à Tibère. Elle a été léguée de famille en famille. D'ailleurs, Adolf Hitler l'a eu quelquefois dans différentes incarnations. Elle lui a été volée vers l'époque des Habsbourg en Autriche. Et Adolf Hitler voulait la retrouver. D'ailleurs, la lance, à l'époque, traînait dans un musée en Autriche, près de la frontière allemande. Adolf Hitler n'était pas au courant du côté négatif de ce qu'il pouvait faire, c'est que lorsque l'on possède la lance de Longinus, que l'on fasse le bien ou que l'on fasse le mal, ça fonctionne. Henri Himmler était un personnage que Adolf Hitler a connu dans une autre vie, et Himmler est né lui aussi allemand. D'ailleurs, il était de souche allemande, aryenne. Et par la suite, il a rencontré Adolf Hitler. Il lui a parlé lorsqu'Adolf Hitler était en prison. Adolf Hitler a fait de la prison à cause qu'il était révolutionnaire. Adolf Hitler a toujours été un personnage qui a recommencé sa vie, c'est-à-dire qu'il n'a jamais compris la finalité des choses. Son ésotérisme est un ésotérisme qu'il forçait, c'est-à-dire qu'il parvenait à avoir des contacts avec une forme de conscience, une énergie supramentale très astralisée, et il avait ce contact par l'intermédiaire de la drogue. Il avait ce contact par l'intermédiaire, premièrement, de forces occultes, donc d'initiation très lunaire, et finalement, par la drogue. La drogue, ce qu'elle a comme problème, c'est que lentement, elle détruit le système nerveux, elle détruit le système neuronique, et elle assujettit l'individu à des contingences astrales qui veulent manipuler. Henri Himmler a été un personnage qui a initié Adolf Hitler. Premièrement, c'est lui qui l'a aidé à sortir de sa prison. Et par la suite, il l'a présenté à différentes organisations occultes de l'époque. Et d'ailleurs, Adolf Hitler a connu aussi un bonhomme que l'on connaît un peu aujourd'hui, mais qui est décédé, Rudolf Steiner, qui est un Allemand. Hitler ne s'est pas entendu avec Steiner parce que Steiner parlait de karma, Steiner parlait d'écologie, il parlait de magie blanche. Alors que pour Adolf Hitler, la façon d'avoir le pouvoir pour diriger, c'est qu'Adolf Hitler avait une idée dans la tête. Premièrement, retrouver du pouvoir, ce qui, chez lui, se réincarnait, avait besoin de pouvoir. C'était un personnage qui avait la faculté de manipuler autrui et il avait aussi la capacité de passer par n'importe quel chemin pour parvenir à quelque chose qu'il visait. Tiber a énormément aidé à l'époque de Rome. Il a purifié Rome de certaines façons, c'est-à-dire qu'il a fait disparaître les corps qui étaient vivants à l'époque de certaines personnes qui nuisaient à son passage, ce qu'Adolf Hitler fera aussi. Et son passage à Tiber fut positif si on prend du recul. À l'époque, il était noir. Adolf Hitler, son passage est positif si on prend du recul. On est 40 quelques années après. Est-ce que c'est suffisant pour que la majorité des humains puissent reconnaître que le passage d'Adolf Hitler était positif? Ça dépend des humains. La majorité, normalement, c'est les historiens, c'est-à-dire que deux ou trois générations encore, et on pourra expliquer, on pourra voir le côté positif d'une Deuxième Guerre mondiale, ou du moins du passage d'Adolf Hitler avec le nazisme. Adolf Hitler a une idée derrière la tête, celle d'avoir la suprématie suprême là où il vit. Il a toujours été comme ça. Et aussi, il a une idée derrière la tête, faire en sorte que sa pyramide, c'est-à-dire que lui devienne ce qu'il y a de mieux, donc le suprême parmi les suprêmes. Pour cela, ceux qui le supportent ou ceux qui le supportent devront devenir les suprêmes pour finalement retrouver en bas de la pyramide ce qui est le plus bas. Étant donné qu'Adolf Hitler, en dernier, est né en Allemagne, il devait être le chef de l'Allemagne. Il ne l'a pas su lorsqu'il était jeune. Lorsqu'il était jeune, il lisait des choses d'histoire, il était un artiste, il faisait des dessins, Adolf Hitler. C'était un artiste. Et lentement, à un moment donné, on a pendu des êtres humains parce qu'ils avaient fait certaines conneries. Et Adolf Hitler a passé plusieurs heures à dessiner, bon, les pendus. Certains personnages qui l'entouraient à l'époque, surtout un bibliothécaire qui d'ailleurs lui a fourni certains livres extrêmement occultes, des livres qu'on ne retrouve normalement pas à vendre. Il lui a vendu et souvent, ce bibliothécaire d'ailleurs a aidé Adolf Hitler à l'époque où il était étudiant et où il n'avait pas une scène, pour la simple raison qu'il achetait les peintures d'Adolf Hitler, des peintures de pendus, de meurtriers, etc. Et il lui achetait uniquement, bon, ben, il lui disait, je les garde, puis un jour, si tu veux venir les reprendre, tu les reprendras, et je te les revendrai au prix que je les ai achetés. Il le finançait. Ce bonhomme est déjà une incarnation extrêmement importante dans la lignée évolutionnaire de l'humanité. C'est un personnage dont le nom ne dirait rien à personne, mais qui a connu Adolf Hitler, et qui, à un moment donné, a été extrêmement proche de lui, mais il a toujours été un peu patriarche, Adolf Hitler, c'est-à-dire qu'il a toujours un peu adopté. Il était aussi à l'époque de Tiber. Il a été, pas à l'époque de Tiber, il est apparu un peu par la suite et il a aidé Hitler, c'est-à-dire qu'Hitler a toujours été celui qui parvenait à faire éclater l'idée du bonhomme. Alors lui, il visait ça, ne pouvait pas le dire, ne savait pas comment parvenir à haïr plus confortablement l'Église catholique. Alors qu'Adolf Hitler, dans ses incarnations, lui, avec ce bonhomme-là, il se laissait suffisamment colorer et il parvenait à être un bonhomme qui démolissait suffisamment pour que le grand-père puisse se dire « Je l'aime, le petit. » Alors, le bonhomme a donc aidé Hitler. Il l'a supporté pendant un grand bout de temps et il l'a manipulé de façon à ce que, progressivement, Adolf Hitler retrouve un nombre de formes qui amènerait certaines incarnations à venir le réhabiter, c'est-à-dire ce qu'il était lui. Alors, il lui a permis de se vêtir. À un moment donné, il y a une tante qui est morte et puis il a eu un héritage. Avec l'héritage, il s'est habillé différemment. À partir de cette mort et de cet héritage, et ce qui est assez intéressant là-dedans, les choses sont manipulables de toute façon, c'est qu'Adolf Hitler a hérité de cette tante alors que la tante aurait dû donner un héritage à plusieurs personnes, mais pas Adolf Hitler, qui était un petit pauvre dans le fin fond de Berlin, que personne ne connaissait. Il n'était pas tout à fait à Berlin à l'époque. Il a eu cet héritage, il est allé s'acheter des souliers propres, des pantalons propres. Il s'est habillé d'une façon tout à fait différente. Et lorsqu'il est réapparu devant le bibliothécaire, celui-ci ne l'a pas reconnu premièrement. Et lorsqu'il l'a reconnu, il ne l'a pas reconnu non plus. C'est-à-dire que parce qu'Adolf Hitler avait totalement changé son nom de forme, le personnage qui présentement était devant le bibliothécaire était un personnage qui, s'il n'était pas extrêmement puissant, avait dû l'être. C'était un personnage qui communiquait uniquement par ses yeux, par son visage, par sa gestuelle. Et le grand-père a su que celui-là était celui qui mènerait l'Allemagne dans un apothéose. Est-ce que la tante qui est décédée était l'incarnation d'un personnage de l'époque de Tiber aussi? Qu'est-ce qu'elle venait faire là? Ou elle était tout simplement manipulée à lui donner de l'argent? Elle était simplement manipulée. C'est une tante qui, par mariage co-sanguin, enfin pas co-sanguin, mais entre hétérosanguinité à travers différentes races, elle est morte. Et avant de mourir, elle a fait un testament et elle donnait tout à Adolf Hitler. Sans savoir ce qu'elle faisait. C'était pas énormément d'argent, remarque, c'était pas la mer à boire. C'était à peine suffisant pour déguiser Adolf Hitler en quelque chose d'autre. Il n'a pas eu tellement d'argent par la suite, avant de devenir, évidemment, le Führer. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant de devenir le Führer? Pourquoi il a fait des révolutions, il était plutôt communiste, il était contre les communistes, il était contre le peuple catholique. Adolf Hitler, Tiber. Tiber est un personnage qui ne connaît pas trop l'existence du Christ, ne connaît pas trop l'idée même du Christ, du Nazaréen. Enfin, il en entend parler de loin comme ça, comme quoi il y a un bonhomme là-bas qui se prétend le roi des Juifs alors que l'Empire romain est présentement dans ce territoire et normalement le seul roi, le seul empereur devrait être Tiber. Il va mandater Longinus pour vérifier si, et quelques Romains pour vérifier si on va se débarrasser convenablement du Nazaréen, mais il ne connaît pas l'histoire. C'est les Juifs qui forcent Tiber à envoyer des Romains, des soldats, pour prendre possession du Nazaréen et finalement le juger, le condamner, le crucifier. Mais ça, Tiber, lui, connaissant et intimement les forces, va envoyer le culte, va envoyer Longinus, un soldat qui ne comprend pas trop, mais qui exécute. Il l'envoie avec une lance qui, apparemment, selon la tradition, a été forgée à même le cœur de la terre par un personnage qui s'appellerait, bon, le nom, si on veut le prendre pour le comprendre aujourd'hui, c'est Merlin, qui va fabriquer aussi Excalibur. Il envoie donc cette lance qui est faite d'argent et il demande à Tiber de piquer le Nazaréen avec et de revenir avec la lance. Si la lance est particulière, c'est que le Nazaréen était quelque chose de particulier. C'était réellement un Christ. Sinon, c'est pas grave. Mais il n'était pas certain, alors il a voulu vérifier. On dit que la lance servait de témoin pour savoir oui, si le personnage est piqué était... Exact. Alors, on sait qu'en acupuncture, que l'or est un capteur d'énergie yang et que l'argent est un capteur d'énergie yin. La lance est faite d'argent, la pointe est entourée de cuivre et de bronze sur un morceau de bois qui provient d'un olivier, c'est ça. Alors, notre Longinus va avec la lance et il pique. Ce qui est absorbé par le métal devrait normalement, chez un psychokinésiste, un psychométricien de l'époque, un personnage capable de lire à partir de sa psyché, ce qui s'est passé ou qu'est-ce que c'est. Lorsque Longinus revient avec la lance, Tiber découvre, par le biais de ses personnages, que la lance est maintenant dotée de caractéristiques absolument effarantes. Alors, Tiber va développer une haine massive pour les Juifs qui ont tué le Christ. D'incarnation en incarnation, l'Église du Christ et l'Église des Juifs va être une haine constante pour les incarnations de Tiber, donc d'Adolf Hitler. Il va renier les papes, il va aussi renier d'ailleurs l'Église juive, et finalement, lorsqu'il devient... dans l'Allemagne, lorsqu'il devient plus ou moins très hiérarchiquement placé dans le gouvernement allemand, il va progressivement engendrer, il va pour ramener le nazisme qui existait déjà, mais il va le purifier et il va le former pour qu'il devienne antisémite, c'est-à-dire qu'il voudra premièrement se venger. D'ailleurs, il serait vengé de l'Église catholique aussi. Mais là, il a la possibilité de détruire le peuple juif qui finalement a été, selon lui, mais c'est faux, a été le plus grand restricteur, le plus grand frein à la descente d'énergie luciférienne, enfin d'énergie supramentale, d'énergie christique, sur le plan planétaire. Adolf Hitler, je l'ai dit souvent, a fait une guerre sainte, une guerre religieuse. Il voulait prendre la race aryenne, Alors, en réalité, ce n'était pas la première sous-race de la race mère blanche qui constituait la race allemande. La troisième, mais c'est un détail qu'on peut quand même passer. Prenant la race aryenne, il voulait exterminer le peuple planétaire pour obliger chaque humain à s'incarner dans un descendant de la race aryenne, c'est-à-dire qu'à l'origine, ce qu'il voulait faire, il voulait donner à chaque handicapé de la planète dans sa façon de penser. Alors, si tu n'es pas aryen, tu es nécessairement un handicapé. Il voulait donner à chaque handicapé le meilleur corps biologique possible. Et la façon, il y avait deux façons, forcer le peuple allemand à se mélanger à travers la planète et dans 30 ou 30 ou 40 générations, le peuple planétaire sera suffisamment induit de la race allemande qu'on pourra considérer qu'il est allemand. L'autre façon, c'est exterminer les peuples. Alors, comme les gens ont besoin de s'incarner, ils s'incarneront dans le peuple allemand. Mais est-ce qu'Hitler est conscient de ça, des incarnations? Est-ce qu'il est au courant? Oui, Hitler est totalement conscient de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Rudolf Steiner. Il a rencontré aussi un paquet d'autres personnages intimement reliés à l'ésotérisme allemand. On a, par exemple... D'ailleurs, Adolf Hitler va vouloir, par la suite, recréer, et d'autres personnes avant lui, et dans son temps, ont voulu le faire, recréer toute l'épopée de Lancelot, du roi Arthur, d'Excalibur et de Perceval. Wagner va travailler énormément sur la création d'une comédie musicale, pas d'une comédie musicale, mais d'une tragédie musicale, avec, il va d'ailleurs composer un paquet de musiques qu'on retrouve dans le film Excalibur. Ce sont des musiques composées uniquement pour Excalibur dans l'Allemagne. Adolf Hitler va vouloir recréer, c'est-à-dire ramener tous les contextes ésotériques les plus puissants. D'ailleurs, il voudra développer l'art. Alors, dans cet art, il va nécessairement privilégier l'art aryen, donc l'art allemand. Au niveau de la musique, Wagner, évidemment, et plusieurs autres, Händel, il voudra ramener certains phénomènes de l'art, Léonard de Vinci. Il va vouloir conquérir une grande partie des peuples, non pas pour les exterminer, mais pour aller retrouver une forme de matière qui, dans l'art, surtout dans l'art, révèle ou contiennent dans leur structure un message ésotérique, en plus de contenir certaines vibrations qui peuvent réveiller la conscience. Et c'est ce qui va surtout pousser Adolf Hitler à conquérir et nécessairement à accumuler différentes fresques de l'art du passé que lui considère appartenir à la race allemande parce que ce sont des Allemands, de par la génétique, qui, même s'ils sont nés dans d'autres pays, les ont créés. Mais lui était d'origine romaine pour ensuite s'incarner dans un corps mi-juif, mi-allemand. Il a été romain, donc italien, mais pas italien, c'est plutôt romain. Il a été romain. Progressivement, il devint autrichien. De souche juive, à un moment donné, du point de vue de la religion. Et il va naître allemand dans les trois dernières incarnations jusqu'à la dernière que l'on connaît, qui est celle d'Adolf Hitler. À ce moment-là, est-ce qu'il est en possession de la langue de Longinus? Pas lorsqu'il est Adolf Hitler. Il la perd aux mains des Habsbourg quelques centuries avant, et il va la retrouver lorsqu'il va conquérir l'Autriche. La première chose qu'il va faire, c'est d'aller il va aller chercher sa lance. Mais comment il sait que c'est sa lance? Premièrement, il va passer devant ce musée, et la lance, elle est béatement affichée dans la vitrine à l'extérieur. C'est une lance qui appartenait aux Habsbourg et qui date de longtemps. Chaque fois qu'il passe devant, il reste hypnotisé par la lance. Il peut passer des heures et des heures totalement déconnecté. Alors, d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui, des journaux en ont parlé, de ce jeune de 18, 19, 20, 21 ans, qui souvent restait figé devant la vitrine. Et même lorsque l'hiver arrivait, lorsqu'il faisait relativement froid, il restait figé devant la vitrine plusieurs heures. Et subitement, il se réveillait et il partait. Il y a eu un contact. Il y a eu, évidemment, plusieurs choses. La lance devient une espèce de talisman qui maintient les égrégores. Alors, il y a eu une transfusion d'incarnation de la lance vers Adolf Hitler. Mais ça, c'est le jeune Adolf Hitler dont tu parles à 18-20 ans. Oui, il n'est pas fureur. Il n'a aucune idée de ce que c'est, de toute façon. Il est en furie, peut-être, mais c'est tout. Ça va être là. Donc, là, il conscientise que c'est sa lance qui la veut, mais il ne l'a pas tout de suite. Il ne prend pas. C'est que l'enfant de la lance prend possession d'Adolf Hitler. Ses mémoires, les mémoires de Tibère. Elle appartient à Tibère. Elle a appartenu jusqu'au Habsbourg. Elle a appartenu à Adolf Hitler. Et c'est pourquoi je dis qu'Adolf Hitler a pu s'incarner dans la lance, c'est-à-dire que lorsqu'il meurt, il prend possession de la lance. lorsqu'à un moment donné, un jeune qui peut attirer des mémoires réincarnationnelles de ce bonhomme, de ce personnage, vit dans le même contexte, lorsqu'il passe devant la lance le captive, la lance s'incarne dedans, et nécessairement, pour être un être complet, du point de vue mémoriel, du point de vue de l'astral, le personnage en question aura besoin de sa lance. Adolf Hitler aura donc besoin de la lance. Est-ce que la lance a été fabriquée par Merlin pour Tibère ou par Merlin pour quelqu'un d'autre? La lance a été fabriquée uniquement pour permettre de maintenir des messages qui proviennent d'une extraterrestrialité, comme d'ailleurs Excalibur a été créé uniquement pour retenir des messages provenant de l'intraterrestrialité. Excalibur, ce n'est pas du métal conventionnel, il doit mémoriser, garder en vibration, en musique, les messages qui proviennent d'un phénomène intraterrestre, alors que la lance de Longinus, elle, doit conserver en mémoire, en vibration, quelqu'un qui peut faire de la métagnomie, qui peut lire à partir même d'un objet, va être capable de lire l'histoire, d'en apprendre. C'est une forme d'anal akashique, donc de mémoire du temps, qui est conservée, condensée dans une matière. Excalibur, intraterrestre, la lance, phénomène extraterrestre. Extraterrestre, en l'occurrence, descend du Nazaréen, donc descend de l'énergie christique, qui est la première forme d'intelligence supramentale plus condensée qui arrive sur le plan planétaire, et la lance de Longinus va conserver cela. Elle n'est pas prévue pour appartenir à un personnage plutôt qu'à un autre, elle est prévue pour maintenir dans un contexte historique planétaire une forme de message qui ne peut pas être codifiée dans l'astral, c'est-à-dire que ce que le Christ va laisser, il va engendrer des religions, il va engendrer premièrement l'islam, il va engendrer, premièrement, le catholicisme et nécessairement l'islam par la suite et d'autres formes de religions, de sectes, on en a plusieurs, témoins de Jéhovah, mormons, etc. Cela conserve une forme de message énergétique qui ne pouvant être codifié dans l'astral, va être codifié dans la lance. C'est comme une banque de données, une disquette qu'on mettrait dans l'ordinateur. L'information est là, mais elle ne peut pas être lue par n'importe quelle machine, ça prend quelqu'un qui est capable de le lire. Oui, une information encore plus puissante que ce qu'on pourrait trouver, disons, sur une disquette, c'est une information énergétique qui permet à un individu de manipuler des forces belzébuthiennes, donc qui donne à un individu une forme de pouvoir qui lui permet finalement d'accomplir ce que l'astral veut qu'il accomplisse. Ça permet à cet individu-là, comme le Nazaréen l'a fait, de sublimer les masses, donc de contrôler les masses. Que tu veuilles faire le bien, que tu veuilles faire le mal, le peuple va accepter. Donc, Adolf Hitler voudra avoir cette lance. Mais c'est est-ce qu'au moment où Adolf Hitler était en possession de la lance, qu'il réussissait à figer les foules et à les contrôler, ou s'il le faisait de toute façon avant de la détenir? Non, Adolf Hitler le faisait un peu avant, mais Adolf Hitler était une personne totalement ignorée, une personne totalement rien de grand-chose. Pas brillant, pas intelligent, il n'aimait pas rire, il vivait seul, il sortait plutôt la nuit, d'aller voir ce bibliothécaire, d'aller voir d'autres personnages. Et lentement, plus ses temps d'extase devant la lance se prolongeaient, plus il devenait un être qui avait une forme de charisme, mais un charisme que l'on suit parce qu'on en a peur. Un respect du pouvoir. Un charisme divin. Lentement, les gens craignaient Adolf Hitler. Dans l'Antiquité, le charisme de Dieu est un charisme aussi de terreur. On devait craindre Dieu. Ce n'était pas d'aimer Dieu. Et dans la Bible, on peut le lire avec, tu dois craindre Dieu, ton Dieu. Lentement, progressivement, Adolf Hitler va changer son nom de forme parce que sa vieille tante lui lègue un peu d'argent. Il devient un tout autre personnage qui semble maintenant savoir où il va. Alors qu'Adolf Hitler ne sait toujours pas ce qu'il fait ni où il y va, mais il y va. Mais il y va avec une démarche tellement sûre, tout l'onde de forme fait que maintenant, de la lance comme d'un égrégore, va s'incarner un empereur. Très progressivement, en fonction de l'âge, parce que Tibère, première incarnation réelle d'Adolf Hitler, devient empereur en 14, il est né en 42, donc il devient empereur relativement âgé. Le corps d'Adolf Hitler doit aussi progresser en âge, étant donné que de l'époque de Tibère à l'époque d'Adolf Hitler, les corps physiques sont beaucoup plus puissants. Nécessairement, les parcelles empereurs plus vieilles vont s'incarner dans un corps plus jeune, mais pas dans un corps d'adolescent ni dans un corps de jeune adulte. Progressivement, Adolf Hitler grimpe les bastions de son autorité. Il se révolte contre à peu près tout ce qui n'est pas lui. Il fera de la prison, on essaiera de l'éliminer, de le tuer. Il sera capable, à un moment donné, de trahir tous ses copains pour grimper un autre échelon. Plus ou moins communiste, il va vendre le communisme lorsqu'il peut, lorsqu'il se rend compte qu'en vendant ceux avec qui il travaille, qui sont une espèce de clan relativement secret parce que c'était interdit. D'ailleurs, c'est des mauvais coups qu'il faisait, ils incendiaient, ils détruisaient. À un moment donné, il vend tout son groupe et là, il gagne un échelon. Et d'échelon en échelon, il finit par atteindre la politique. La possibilité de venir parler et de venir dynamiser des masses. Là, Adolf Hitler sait ce qu'il veut. Il veut le contrôle total du système politique. Il veut l'abolition de tous les autres partis politiques. Il veut l'instauration d'une théocratie. Il veut l'idolâtrisation de sa propre personnalité. Et étant donné qu'il a de plus en plus de rencontres relativement occultes avec des sectes secrètes, dans des sectes ésotériques, il découvre de plus en plus des mécaniques pour manipuler les peuples. L'une des mécaniques les plus utilisées va être celle de l'homéopathie. On pourrait dire de l'homéo-antipathie. Il va brûler les Juifs, prendre les cendres et les larguer au-dessus de l'Allemagne. Les Juifs vont respirer de l'air avec des particules juives à l'intérieur et ils vont avoir une peur et une haine de l'Allemagne et ils vont tous s'en aller. Donc, ils manipulent autant dans le culte que dans le réel, dans le concret? Ils manipulent à peu près exclusivement par l'occulte. Mais parce qu'il vient parler à des masses et qu'il leur dit « Vous aimez les Juifs? » Oui, haïssez-les. Tout le monde dit « Oui! » C'est comme dans le concret. Mais t'essayeras ça, voir. Fais en sorte que les Anglais haïssent les Anglais, que les Anglais du Québec haïssent les Anglais du Canada. Tu vas voir que c'est pas concret. Ça reste dans l'occulte. C'est par l'onde de forme de sa parole, par la communication, qu'il est capable de faire ça? Est-ce qu'il y a une puissance dans sa voix ou dans sa parole? Où Même est la pas. Puissance? Le bonhomme, il est petit. Il est presque absurde, presque stupide. Il s'agite lorsqu'il commence à parler. Il commence calmement. Il est pas réchauffé. En réalité, il n'est pas possédé. Lentement, progressivement, il commence à grimper et à un moment donné, il gigote, il gesticule énormément. Il le bat, il bave presque. Les yeux commencent à devenir relativement gros. Les yeux commencent à être en midriard, c'est-à-dire qu'on a la pupille qui grossit. Et là, il est totalement possédé, subjugué. Et là, ce qu'il va dire n'a rien à voir. Il va dire n'importe quoi. Le peuple est totalement dynamisé. Ce n'est pas Adolf Hitler, ce n'est pas du moins son corps physique qui communique cela, et encore moins sa voix. Assez que vers la fin de ses discours, il est tellement parti qu'il devient incompréhensible, incohérent, il jouit. C'est tout ce que les journalistes ont pu considérer, il est en extase sexuelle. À chaque fois qu'il finit son discours, et par la suite, il finit épuisé. C'est un bonhomme qui aura de la difficulté à coordonner ses troupes, mais Henri Himmler va faire la guerre pour Adolf Hitler. Mais qui parle dans le corps d'Adolf Hitler pendant ses discours? Tibère. Donc, finalement, Adolf Hitler. Mm. Mais le jeune dans lequel la lance s'est transvidée est un personnage comme on en rencontre plein sur la rue Sainte-Catherine, ici, avec une guitare, dans les métros. Par contre, Tibère, qui se sert du corps physique, parce que le corps peut le recevoir en grande partie la conscience de Tibère, et surtout ce que Tibère aura réussi à cumuler à travers sa haine de l'Église catholique et sa haine du peuple juif, des mécaniques hautement lucifériennes et des mécaniques hautement sataniennes. Ce qui possède Adolf Hitler, progressivement, c'est une énergie luciférienne qui, elle, est une énergie qui a toujours voulu faire en sorte que l'humanité évolue très rapidement, que l'humanité ne reste pas sur le plan planétaire, dans un contexte extrêmement problématique, merdique même. Les forces sataniques sont des forces collectivisantes. En échange, évidemment, les forces sataniques qui ont été constituées en majorité par l'expulsion de l'antihomme du Nazaréen dans le désert, mais qui sont constituées de toute façon par la mémoire akashique, la mémoire historique, événementielle, de ce qui constitue le plus bas des égos de l'humain, la haine, la peur et la guerre, ces choses-là, la souffrance de l'âme, la souffrance psychologique et non pas physique. Les forces sataniques sont des forces collectivisantes. Ils font en sorte, comme on a vu à un moment donné lorsque le Canadien a gagné la Coupe Stanley, que les besoins citoyens cassent tout ce qu'il y a dans la rue Sainte-Catherine. Ce sont des forces collectivisantes qui vont aider la mécanique luciférienne, donc disons Adolf Hitler pour l'instant, à ramasser le peuple, en échange de quoi l'humain devra souffrir atrocement. Et Henri Himmler va s'occuper de cette mécanique, et c'est pourquoi il y aura énormément de tortures, il y aura énormément d'apparences, expériences médicales, dans le genre injecter du pétrole dans les artères de l'individu, voir ce que ça donne. La majorité des expériences à type médical ne seront là uniquement que pour faire sécréter l'humain, ce qui nourrit l'astral satanique, mais ne sont pas de... Nous n'avons rien à voir avec la mécanique même de la médecine. Il n'y avait même pas de sans-plomb à l'époque. Oui, on peut avoir une chance. Il n'aurait même pas pu faire des expériences. Longtemps. Par contre, on prenait un bébé, on le mettait dans de l'eau froide à 0 degré, on calculait le nombre de minutes qu'il vivait. Après ça, on prenait un autre bébé, puis on le mettait à moins 5, puis on calculait le nombre de minutes qu'il vivait. Alors, ça a avancé. Maintenant, on sait qu'un être humain vit tant de minutes ou tant de secondes dans telle ou telle température. Mais les Américains ont fait le même genre d'expérience uniquement en cataloguant les personnes hypothermiques qu'on ramassait lors d'accidents. Il y a deux façons de voir les choses. Alors, les Allemands ont travaillé, enfin, une partie de l'Allemagne a travaillé énormément dans le but de nourrir émotivement par souffrance humaine les forces collectivisantes du peuple allemand. Himmler faisait ça consciemment. Non. Non? Himmler le faisait consciemment? Oui. Lui, il s'occupait des forces sataniques, si on veut. Oui. Il en remplissait. Bon, on sait qu'une possession satanique est une possession animale. Alors que ceux qui ont vu le film Exorciste, une possession satanique. Dans un contexte de peuple, la possession n'est pas aussi densifiée. Une possession luciférienne, comme dans le cas d'Adolf Hitler, est une possession comme dans le cas d'Adolf Hitler. Et comme je dis souvent, les génies du mal dans James Bond ou dans ce genre de truc, ça reflète assez bien une possession luciférienne qui fait que l'individu n'est pas fou, est extraordinairement intelligent, domine, contrôle, invente, parce qu'Adolf Hitler a dynamisé la science allemande, c'est évident. Comme la politique, comme la médecine, comme tout cela, au niveau du peuple allemand, alors qu'à l'extérieur, on faisait de la souffrance. Alors, Adolf Hitler était possédé par un phénomène plus luciférien. Donc, par un phénomène christique. Mais lui, il était conscient. Il voyait bien des fours crématoires qui se bâtissaient, ça. Il savait ça. Il n'était pas au courant de tout, Adolf Hitler. Ben, il a dû voir physiquement les emplacements, les bâtisses où ils brûlaient. C'est-à-dire que ça... Non. Il ne s'est pas promené un peu partout pour vérifier s'il y avait des camps de concentration. Si Adolf et Henri Himmler, surtout qui donnait ses ordres, Adolf Hitler savait qu'on brûlait certains juifs pour larguer ça au-dessus des territoires qu'on voulait purger. Ça, c'est pas correct. Juste les juifs, on a brûlé aussi d'autres peuples pour purger. Mais pour lui, c'était correct, c'était concevable, ça? Oui, pourquoi? Parce qu'Adolf Hitler a toujours voulu atteindre un résultat extraordinaire pour l'humanité, et la façon d'y parvenir, ça, c'est pas grave. Et c'est ça qui est le problème, c'est que Adolf Hitler a été totalement possédé par de l'intelligence supramentale. Par l'énergie du Christ, donc par l'énergie luciférienne, qui était un porteur de lumière. Et l'intelligence supramentale a toujours eu un défaut, et je le dis souvent à ceux qui ont fait le séminaire lorsqu'on fait des conférences spéciales. L'intelligence supramentale, c'est de l'intelligence. Si c'est intelligent, donc écologique, de planter des clous à chaque 6 pouces, l'intelligence vient et plante des clous. Si toi, tu es en train de monter sur le mur et que tu as la main où on doit mettre un clou, l'intelligence met un clou et elle s'en va. Oui, mais ça te fait souffrir? Bof! D'ici quelques milliards d'années, tu t'en rappelleras pas. Ça va être accompli. L'intelligence passe. L'intelligence s'est débarrassée de Jean le Baptiste. On lui a coupé la tête, il continue à parler alors qu'il devait se taire. C'était fini, il devait préparer le terrain. Le terrain étant préparé, le bonhomme étant venu, il continue à gueuler, alors on l'a éliminé. Lorsqu'à un moment donné, on doit pousser, le Nazaréen doit retourner, comme on l'a vu dans la conférence sur le retour du Christ aux enfers. Le Nazaréen, enfin le Christ, doit retourner dans le monde de la mort, récupérer ceux qui vivent, qui sont morts de son faisceau. Pour que cela se fasse, Jésus, l'enfant, qui n'est pas le Christ, mais qui a été crucifié vers l'âge de 11 ans, va se retrouver sur la croix dans un corps d'adulte, alors qu'il est tout le temps de la vie du Christ, enfin de Jésus-Christ, enfin l'alliance des deux, il est dans un double utérique, dans le plan ciel. L'intelligence conçoit que ça doit se faire, alors elle le fait, et Jésus se réveille, et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il est sur une croix, puis il s'est fait savoir comme il faut. La majorité de ceux qui ont travaillé pour l'intelligence supramentale se sont fait avoir, ils se sont fait tuer ou se sont suicidés. On ne parlera pas de Judas, mais on peut parler de Melchisédek de l'époque, on peut parler de la majorité des apôtres, on peut parler de la majorité du peuple chrétien de l'époque qui ont été assassinés simplement par plaisir. Les chrétiens étaient des juifs et Tiberne et les autres empereurs ont continué, c'était une mode. Bon, à massacrer le peuple juif qui maintenant devenait chrétien, mais c'était des juifs quand même qui se convertissaient à l'idée du Christ. Adolf Hitler était intimement et totalement relié de l'intelligence supramentale, astralisé dans la majorité du cas, c'est-à-dire une intelligence qui provenait des vestiges du passé, que la lance de Longinus va lui donner. Mais lorsqu'il veut que tout le monde l'admire, le respecte et puis l'honore, ça, c'est pas intelligent, c'est de l'émotion. C'est Tibère. Ce sont les mémoires. C'est pourquoi ça devient extrêmement astralisé, c'est-à-dire que ce sont des mémoires de l'époque. Lorsque Tibère a découvert la mécanique même du Christ, lorsqu'il s'est rendu compte que le Christ, c'était plus qu'un humain, il était empereur. Il était orgueilleux. Il avait déjà du pouvoir. Et il a été en beau maudit de ne pas pouvoir posséder ce bonhomme. Et c'est ce qu'il a recherché, finalement, à l'époque d'Adolf Hitler. Premièrement, sauver la race, c'est-à-dire faire en sorte que l'humanité évolue beaucoup plus rapidement, ce que l'intelligence supramentale a tendance à faire. Sauf qu'Adolf Hitler n'avait pas d'ajusteur de pensée. Et comment il était relié à l'intelligence supramentale? Seulement par la lance? Seulement par la lance et seulement par l'égrégore de l'astral supramental. Il était relié par son canal réincarnationnel. L'ajusteur de pensée fait le même travail qu'un canal réincarnationnel, sauf qu'au lieu de permettre des réincarnations, il se connecte à de l'intelligence supramentale. Il amène de l'information neuve, alors que le canal réincarnationnel, qui permet des réincarnations 24 heures sur 24, mais ce qui va permettre de stimuler la vie d'un individu, et ce qui permet à l'individu de vieillir aussi, ce canal a le même effet. Si le canal est branché sur un égrégore de phénomènes supramentaux dans la mécanique du monde de la mort, l'expérience de Nazaréen entre autres, il peut le nourrir. La lance permet, énergétiquement, c'est le Christ, elle permet donc à Tibère ou Adolf Hitler d'avoir un contact beaucoup plus pur, moins coloré, avec de la puissance d'intelligence. Sauf que l'intelligence, dans le cas du Nazaréen, s'est faite homme, c'est-à-dire qu'elle est descendue prendre un corps. Il y a eu un contrat entre Jésus, ou Jésus, fils de Joseph, et l'intelligence, ce qui a permis la création d'un ajusteur de pensée, qui a été d'ailleurs Jésus, pendant un grand laps de temps, même s'il était placé dans le plan moronciel, il a servi d'ajusteur de pensée, de températeur de l'intelligence. Lazare a un ajusteur de pensée, mais beaucoup plus inhumain. Lazare va donc accepter l'édification de la destruction du peuple juif par le biais d'une de ses créations, la franc-maçonnerie, le prieuré de Sion. Par contre, Lazare va récupérer par le biais des Rose-Croix, par le biais de d'autres organisations ésotériques, qu'on n'attribue pas à Christian Rosenkreuz, finalement, à Lazare. Lorsque Adolf Hitler est en contact avec la mécanique supramentale, il est en contact sans ajusteur de pensée, ce qui fait que c'est un contact qu'on peut caractériser de luciférien. Traditionnellement, dans les vieilles théologies, on parle d'un porteur de lumière. Lucifer, c'est le terme, ça veut dire porteur de lumière, qui descend et qui finalement dit à l'homme, si tu fais ceci, fais cela par le biais de mécaniques inférieures, en l'occurrence aussi Satan, si vous faites ceci, vous faites cela, vous allez avoir une conscience, vous serez puissant comme Dieu. Et j'ai déjà expliqué que les dieux sont des créations de l'homme, à l'image et la ressemblance de l'homme, qui, contenant beaucoup plus d'expériences mémorielles à cause du fait que l'histoire est contenue dans les dieux, lorsqu'un être humain arrive sur le plan planétaire, il doit cumuler un peu de réincarnation et il ramasse de la mémoire au niveau de son expérience, n'ayant jamais suffisamment de mémoire pour inclure dans sa conscience suffisamment de temps, il considère les dieux comme étant supérieurs. Lorsque Lucifer vient, à un moment donné, c'est en Lémurie que ça va commencer, l'homme va devenir égal aux dieux. L'homme va donc découvrir qu'il est sur une planète où il souffre. Et j'ai déjà expliqué que par la suite, Dieu va le punir en lui disant, « Eh bien voilà, tu enfanteras dans la douleur et tu gagneras le pain et la sueur de ton front. » Alors qu'un peu avant, la femme enfantait dans d'atroces douleurs, mais n'avait pas la conscience de la douleur. Et l'homme travaillait, l'homme chassait, l'homme avait des difficultés, on mourait, on était malade, mais l'humain n'avait pas la conscience de cette mécanique. Ce qui fait que lorsque l'humain devient conscient, c'est facile de lui dire « Maintenant que tu as désobéi, tu vas souffrir. » Exactement comme lorsqu'on te chirurgite anesthésié, tu ne souffres pas. Si tu te réveilles, tu t'es réveillé, bien maintenant, moi, je vais te punir, tu vas souffrir. Le corps souffre que tu dormes ou non. Ce n'est pas une grande souffrance, la psychologie souffre encore plus sur le corps. Mais ce que l'on doit bien comprendre, c'est que les mécaniques lucifériennes ont une tendance, et c'est d'ailleurs le propre même de l'intelligence supramentale, c'est de venir rendre lumineux la matière. Autrement dit, si on veut parler du point de vue humain et spirituel, c'est de donner de la conscience, de sauver l'homme, de faire que l'homme rejoigne Dieu. Mais on ne parle pas des pieds de Dieu, c'est-à-dire Jéhovah et les Elohim, Yahvé, ces dieux planétaires, qui sont des dieux de créant la matière, des dieux de la matière et de l'histoire. Donc Adolf Hitler va être en contact avec la même mécanique, une mécanique qui a un seul objectif, accomplir, finir, terminer. Mais cette mécanique ne connaît pas l'expérience de l'humanité, cette mécanique ne connaît pas la présence, ne connaît pas les mécaniques de la présence d'un ego, d'une âme, donc de l'astral dans le contexte de l'humain. Alors, il y a dans la mémoire astrale une mécanique, l'âme est expérientielle, c'est-à-dire qu'il ne connaît que par expérience, et cette expérientiation de la vie engendre chez lui de la mémoire. Il mange le temps pour le cumuler chez lui en mémoire. Chaque fois qu'il a une expérience, il le mémorise, et le mémorisant, il tend à la recréer à l'interne. On appelle cela de l'émotion, c'est de la nostalgisation. Il voit quelque chose d'extraordinaire, il vibre d'un sentiment, instantanéité. Il repense à ça et il se met à sécréter endocrinalement, il a une émotion, il aime. Lorsque l'intelligence supramentale descend directement sans ajusteur de pensée, donc sans passer par le biais d'un interpréteur mental, un prédigesteur de cette énergie pour que l'humain puisse par la suite égoïquement avoir accès et comprendre un peu, lorsque ça passe directement, ça saute le corps physique, ça veut dire que ça le brûle, ça le tue, ou bien, sans ajusteur de pensée, cela va engendrer une égoïsation monstre à l'intérieur d'un corps physique, ce qui va être le cas d'Adolf Hitler. C'est-à-dire que chaque fois qu'Adolf Hitler a un contact avec de l'intelligence, l'ego qui l'habite, Tiber et ses incarnations, expérimente le contact. Expérimentant le contact, la puissance s'est transformée en pouvoir au niveau de l'ego. Et expérimentant le contact, il coupe le contact, parce que maintenant, il y en a assez. Donc, ça et ce n'est pas connu, prévu par l'intelligence de l'époque. Sa jouissance, c'est l'énergification qu'il obtient au moment où il est connecté avec cette intelligence. Il est totalement en contact lorsqu'il finit son contrôle de parole, ce qui fait qu'il a une jouissance totalement sexuelle, mais uniquement énergétique, comme l'humain n'en connaît pas. Imaginez, Adolf Hitler avait une jouissance qui pouvait lui durer 20 minutes! Mais lui, pourquoi il perd la guerre? Si c'est l'intelligence qui le force à éliminer les habitants de la planète, pourquoi Hitler va-t-il perdre la guerre? Parce que là, c'est l'intelligence qui a perdu la guerre. L'intelligence supramentale descend premièrement chez Adolf Hitler, dans le peuple allemand juif. Elle descend... Bon, l'intelligence est déjà venue sous le contexte planétaire et le peuple juif étant celui qui a le plus de puissance occulte et énergétique, qui est un égrégore divin extraordinairement puissant, celui qui a la tradition la plus solide et la plus vieille est le peuple juif. À l'époque de l'an, disons, zéro, évidemment, le Christ est né un peu avant l'an zéro, avant Jésus-Christ, Mais disons, en l'an zéro, le peuple juif est le peuple par excellence et l'intelligence supramentale, l'énergie supramentale, l'intelligence instantanée, active, qui n'est pas tributaire des mémoires, lorsqu'elle pénètre le contexte planétaire, elle est drainée, canalisée vers par ce qui est le plus évolué, le plus vibratoire. C'est le phénomène du peuple juif. Ça pénètre dans une mécanique essénienne, nazaréenne, entre autres, juive. Et ça va engendrer le baptiste, ça va engendrer le nazaréen, ça va engendrer Lazare, ça va engendrer un paquet de personnages. Dans cette actuelle fin du 20e siècle, l'intelligence supramentale doit revenir, c'est-à-dire que l'humain a une génétique capable de la supporter. On pourra expliquer à un moment donné pourquoi il y a des cycles, mais c'est un cycle au niveau de l'orbite de notre Soleil, disons la translation solaire autour de son centre de galaxie. L'énergie supramentale, elle est toujours là, sauf qu'à un moment donné, on rentre dans un faisceau, si on veut, et plus on pénètre dedans, plus c'est puissant. Alors, c'est pourquoi il y a des cycles. Plus l'humain est capable de retenir l'intelligence, lorsque le cycle va être passé, l'humain va rester énergisé, et avant qu'il se refroidisse, il va retrouver un autre cycle, ce qui va faire en sorte qu'il monte dans un cycle et qu'il descend, mais jamais où il était. Il se refroidit et il remonte. Alors, évidemment, ça prend quelques milliers d'années. Donc, lorsque Adolf Hitler reçoit l'intelligence ne doit pas descendre, encore une fois, dans le peuple juif. Elle doit descendre dans un contexte dont l'égrégore théologique, l'historicité de l'homme, la tradition, le rituel, c'est-à-dire le blocage pour accepter du neuf, est le plus faible. D'ailleurs, les Juifs ont été tellement puissants qu'ils refusent encore la venue du Nazaréen. Ils attendent toujours le Christ. Si l'énergie supramentale descend encore dans un peuple dont la tradition est tellement ancrée qu'elle refuse le neuf, mais qu'elle ne fonctionne qu'à partir du passé, les prophéties, l'intelligence ne pourra pas éclater pour amener du neuf dans la conscience de l'humain. De ce fait, l'égrégore juif doit être extrêmement atténué. Adolf Hitler, dont Tiber est le candidat favori, parce qu'il déteste le peuple juif d'une façon héréditaire, génétique, il l'a en vibration, s'il est capable, par la race allemande, qui est un peuple extraordinairement facile à dynamiser pour leur dire « vous serez les maîtres du monde », c'est le peuple allemand qui est le plus parfait pour cela. Mais ça ne diminuera pas la puissance de l'égrégore juif, le fait de les massacrer, c'est pas plutôt l'inverse, ça va pas l'augmenter. C'est qu'en massacrant le peuple juif, ce qui est arrivé d'ailleurs, et les prêtres juifs au courant de la mécanique disaient aux fidèles, aux juifs, que de prendre les trains, que là-bas c'était des jardins, etc. Mais les prêtres juifs ont énormément, le prieuré de Sion, ont énormément aidé l'Allemagne à envoyer des juifs à l'extermination. Maintenant, certaines personnes prétendent qu'il n'y a pas eu autant de camps de concentration. Il y a eu énormément de camps de concentration. Certains camps de concentration ont été détruits par l'Allemagne à un moment donné. Certains autres camps sont encore en utilité, en fonction dans les territoires de l'Est. Donc, nécessairement, les Russes n'ont pas découvert autant de camps de concentration que les Américains. Les Américains ont poussé un peu la gomme aussi pour se faire pardonner certaines atrocités qu'ils avaient faites eux-mêmes. N'empêche que les Juifs allaient se faire exterminer. Quand tu extermines un Juif, ou un chrétien, ou un mormon, ou n'importe quoi, l'âme gagne le monde de la mort, c'est-à-dire que l'âme va regagner l'égrégore juif. Nourrir le Dieu. Par contre, il est plus rentable de faire vivre un individu en le faisant souffrir, ce que le peuple juif a toujours fait, il a toujours plus ou moins souffert, il a été banni de tous les contextes, au nom du fait qu'ils ont suivi le Christ. Un être humain qui vit pendant 50 ans, nourrit et meurt, nourrit beaucoup plus le monde de la mort, donc le Dieu en question, qu'un être humain que tu tues. Mais surtout, si tu as la capacité de faire en sorte que les êtres humains meurent d'une façon similaire, dans l'égrégore, et on a déjà vu, enfin, je peux quand même un petit résumé, l'être humain se réincarne pluralitairement, c'est-à-dire que tout ce qui se rassemble de millions d'êtres humains est fusionné et s'incarne. C'est pourquoi les religions disent que dans le monde de la mort, tu retrouves ce que tu as connu et aimé pour l'éternité. Mais tu te réincarnes fusionnellement, pluralitairement. Plus un peuple vit la même circonstance, la même vie, plus il se fusionne. En exterminant les Juifs de la même façon, c'est-à-dire que les parents devaient pousser les enfants dans les fours crématoires, certains, par la suite, ont dilué les cendres dans l'eau et les parents devaient boire les cendres des enfants. Pourquoi? Parce que ça forçait une incarnation immédiate des enfants dans les parents. On tuait les parents par la suite, donc on condensait en quelques heures ou en quelques journées la même intensité d'expérience de vie, ce qui, dans l'égrégore juif, crée une espèce d'agglomérat qui n'est pas digestible immédiatement par l'égrégore divin juif. Alors, non seulement tu élimines les fidèles qui prient, ne pouvant plus nourrir l'égrégore, et tous ceux qui meurent vont créer une espèce de moton expérientiel dans l'égrégore juif qui n'est pas assimilable présentement. Cela va affaiblir énormément l'égrégore juif. Et l'intelligence qui descend en Allemagne, présentement, dans le peuple juif, alors Albert Einstein, et on peut en nommer plusieurs juifs qui, à un moment donné, vont emmener du neuf, ils vont éclater vers le neuf, et subitement, ça commence à descendre dans les États-Unis d'Amérique. Mais ça vient de cette masse d'énergie-là, ce moton-là, dont tu parles? Oui. Le peuple étant suffisamment atténué, subitement, les États-Unis d'Amérique vont commencer à recevoir, c'est pas dès le début, il y a eu énormément d'extermination avant. Progressivement, la France, l'Europe, les Français sont un peuple qui, à l'époque, et même encore pas mal aujourd'hui, à part des exceptions, ne peut pas toucher au contact supramental. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui résonne uniquement émotivement et traditionnellement. D'ailleurs, ils se sont fait ramasser par l'Allemagne la première fois. Ils ont conçu la ligne, une espèce de grande ligne de défense. Ils attendent les Allemands à la Deuxième Guerre, prêts à les recevoir, puis les Allemands arrivent dans le dos, ils n'ont pas prévu ça. Bon. Première guerre mondiale, les Français, leurs uniformes, c'est habillés en blanc avec un grand X rouge au-dessus du cœur, leur bretelle. Et quand ils voient les Allemands, bien, ils baïonnettent au poing, on va crier, on va les attaquer, ils vont avoir peur. Alors, ils partent en criant, puis les Allemands, ben, ils tirent dans le X, puis ils tuent. Ils tuent. Alors, en tout cas, c'était intéressant. D'ailleurs, on peut constater aussi que le peuple français va bannir l'un des grands généraux, le général de Gaulle, et on va même mettre sa tête à prix parce qu'il résiste contre l'Allemagne. Et par la suite, quand il gagne, ben là, évidemment, on vénère le général de Gaulle. Bon, alors, si les communistes sont meilleurs, les Français seront communistes. Si c'est les capitalistes, les Français seront capitalistes. Pas tous. Je parle d'un phénomène racial. Les Italiens, c'est quelque chose. Les Grecs, c'est quelque chose. Ils ont tous dominé le monde à un moment donné en fonction de certaines expériences qui cristallisent chez eux certains blocages. Lentement, les États-Unis d'Amérique, un peuple neuf, qui provient d'un mélange d'un paquet de... Il y a beaucoup d'ethnies. De Juifs aussi aux États-Unis. Exact. Est-ce que c'est ça qui va de l'attirer? Progressivement, les Juifs vont fuir l'Allemagne d'Adolf Hitler et en arrivant en Allemagne, aux États-Unis, dans les États-Unis d'Amérique, ils attirent certains faisceaux. Lentement, l'intelligence commence à descendre là. L'Allemagne travaille sur la bombe nucléaire. Progressivement, on finit par convaincre les Américains de faire la même chose. Albert Einstein va pousser un peu pour, avec le président Roosevelt. Et finalement, c'est l'homme de vérité, Truman, qui va prendre dessus juste avant. Roosevelt va donc être éliminé parce qu'Einstein ne veut plus qu'on se serve de la bombe, parce que l'intelligence, quittant lentement l'Allemagne, fait en sorte que les Allemands font fausse route du côté nucléaire et n'auront pas la bombe, malgré qu'ils aient les V1 et les V2, victoire 1, victoire 2, victory, enfin en allemand. Et là, les États-Unis vont donc grossir et s'en aller lentement vers la descente de l'intelligence supramentale, qui maintenant va être accessible à d'autres peuples qu'au peuple juif. Cela fait, Adolf Hitler doit perdre la guerre. Adolf Hitler n'a plus de raison d'être du point de vue de l'intelligence. Un peuple mental, un peuple solide, maintenant reçoit de l'intelligence supramentale. Ce peuple n'a pas encore d'ajusteur de pensée. Il est en train d'en développer un, c'est-à-dire que d'expérience en expérience, on crée suffisamment d'expérience de contact supramental dans le monde de la mort pour que lentement, le mental de l'humain engendre un ajusteur, un interpréteur de l'intelligence. Les Américains ne l'ayant pas encore, on en déduit que 5 et 5 font 10, c'est vrai. Les Japonais tuent des milliers d'Américains tous les jours. Les Américains tuent des milliers de Japonais tous les jours. Pour mettre fin à la guerre, c'est facile. On fait lever le soleil deux fois dans la même journée au Japon. Ceux qui sont intimement reliés de l'intelligence, manipulés présentement, pour eux, c'est évident. Tu prends une bombe nucléaire, tu la fous au-dessus d'une ville peuplée de civils, et ça va mourir. Et tu recommences une deuxième fois. Pourquoi pas juste une fois? Par la suite, les Japonais vont réunir tous les prisonniers américains dans toutes les villes peuplées. On pourra plus lancer les bombes. Et c'est d'ailleurs ce qu'un général relié à un peu d'intelligence avait dit. On a suggéré, on va faire une démonstration et on va éviter les Japonais. Non, les Japonais vont venir, ils vont voir, ils vont peupler les villes cibles de prisonniers américains. Non, si on est intelligent, on parle. Si on veut avoir le résultat en se balançant royalement des effets pour l'obtenir, on fait Hiroshima et Nagasaki. Une fois que c'est fait, les Japonais se rendent sans condition. Et les Japonais, ayant été initiés solairement par les Américains, n'ont qu'un seul rêve, devenir Américains. C'est ce qu'ils ont encore comme rêve présentement. Les samouraïs meurent, les vents divins, les kamikazes tombent aussi. Et progressivement, les États-Unis d'Amérique vont perdre un peu le contact. Le contact va être atténué. Albert Einstein va mourir. Celui qui va s'occuper du projet Saturne V et des vols Apollo, qui est l'Allemand qui va avoir inventé les V1, les V2 en Allemagne, qui va être récupéré par les Américains. Les Américains ont de l'intelligence. Celui qui détruit presque Londres avec ses V1 et V2, une fois la guerre finie, il dit, les Américains, tuez-moi pas, je suis un savant, je pourrais vous être utile. L'intelligence, c'est de l'intelligence, pas d'ego. Les Français l'auraient tué. Les Américains lui disent, bienvenue mon ami. Puis il rentre à NASA, puis il s'occupe du projet Saturne V, des missions Apollo. Von Braun, le bonhomme. Alors, il y aura énormément de savants allemands qui vont être récupérés par les États-Unis d'Amérique. Donc, on a une migration vers l'intelligence. Adolf Hitler n'a plus de raison d'être. Premièrement, il a poussé le mélange des races. Le monde a fui l'Europe pour gagner les États-Unis d'Amérique. Deuxièmement, il a permis à l'intelligence supramentale de descendre ailleurs que dans le peuple juif, donc de descendre ailleurs, en l'occurrence aux États-Unis. Et par la suite, il n'a plus de raison d'être. L'intelligence s'est servie de l'égrégore juif pour énergiser les contacts... Pour permettre aux juifs de s'auto-détruire. et en même temps pour permettre à l'Allemagne de pousser, enfin de pousser énormément d'ethnie vers les États-Unis d'Amérique. Et par la suite, les États-Unis d'Amérique ont pris le dessus sur la science allemande, qui était déjà extraordinairement en avance sur tous les niveaux. Au niveau des armements, au niveau des canons, au niveau des bombes, au niveau des chars d'assaut. D'ailleurs, les Russes s'en sont jamais remis. Ils ont énormément de chars d'assaut maintenant plantés sur la frontière, près du mur de la honte, dans le coin de Berlin. Ils savent que des chars d'assaut aujourd'hui contre l'armement conventionnel, enfin l'armement stratégique offensif, ne sert absolument rien. T'envoies quelques bombes là-dedans avec des ogives, puis c'est fini. Et instinctivement, au niveau de leurs intestins, de leurs tripes, ils ont besoin de chars d'assaut parce qu'ils ont tellement souffert contre l'Allemagne à cause de leur montagne blindée. Ils en ont plein. L'Allemagne était ce qu'il y avait de mieux, c'était l'élite planétaire à l'époque. Ils ont perdu uniquement parce qu'Adolf Hitler n'était pas contrôleur d'un ajusteur de pensée, parce qu'Adolf Hitler n'était pas capable de s'ajuster à la patience. L'intelligence applique. Relié à un phénomène bouddhique qui fait en sorte que l'intelligence est du cœur, un ajusteur de pensée va aider. Adolf Hitler n'en avait pas. Il n'a pas pu. Il a travaillé pour engendrer une race hyperboréenne. D'ailleurs, il voulait conquérir le Québec, ce qu'il appelle hyperboré. Et parce qu'Adolf Hitler n'avait pas ce contact avec l'ajusteur et que d'autres humains l'ont eu, les autres humains ont pu ajuster l'intelligence à une efficacité telle que l'Allemagne devait perdre. Qu'est-ce qui va devenir Hitler ensuite? Après la fin de la guerre, il arrive quoi exactement? Juste pour finir, très brièvement, je l'ai dit de temps en temps, mais ça peut être intéressant pour les personnes qui ne le savaient ou qui ne le savaient pas. Lorsqu'il y a eu le débarquement de Normandie, les Alliés étaient en train de perdre, l'Allemagne était en train de repousser les Alliés, il leur manquait les blindés, les panzers allemands, et on a téléphoné pour déplacer les blindés qui étaient à quelques heures du débarquement. Il fallait l'autorisation du Führer. Et rarement, le Führer prenait des médicaments pour dormir. Ce soir-là, il en avait pris. N'ayant pas pu réveiller le Führer, les panzers sont restés mobiles et l'Allemagne a perdu la guerre. Quand c'est fini, c'est fini. Je peux même vous dire que si les Français n'auraient pas eu une résistance extraordinaire, la partie du peuple français marginale, personne n'aurait eu besoin d'aller se faire tuer contre l'Allemagne. Adolf Hitler aurait perdu la guerre de toute façon. Il fallait qu'il perde, il l'aurait perdu. Oui. Et c'est souvent comme ça au niveau d'un contexte. L'humain travaille, alors il y a des humains qui meurent, les humains sont manipulés, ça va de soi, ils ne comprennent pas le principe. Alors, comme je dis souvent, si un jour il y a une guerre, ce sera la guerre des autres. C'est pas nécessaire que vous y alliez. Les résultats seront les mêmes. Puis Tiber, lui, allez-vous avec Hitler là-dedans? Tiber là-dedans! Tiber. Dans les affaires du pays d'en haut. Là. Premièrement, Adolf Hitler a été dilué, exterminé. Adolf Hitler s'est suicidé. Son chien s'est suicidé. Enfin, il a été suicidé. Sa maîtresse s'est suicidée. Plusieurs de ses collègues se sont suicidés et ils ont suicidé leurs femmes et leurs enfants. Mais Adolf Hitler s'est instantanément réincarné à travers la majorité de tous ceux qui, dans ceux qui l'ont énormément côtoyé, ne se sont pas suicidés. Adolf Hitler s'est incarné dans tous ceux qui ont été ce qu'on appelait des criminels de guerre et qui ont passé 40 à 50 ans de leur vie sur la planète à fuir, à digérer, à oublier. Adolf Hitler n'a pas regagné le monde de la mort, comme il n'a pas regagné non plus la lance de Longinus. La lance de Longinus a été découverte à Berlin par le général Patton, qui est un général totalement manipulé, totalement guidé, et partout où le général Patton allait dans les forces allemandes reculaient. Pendant que la majorité des forces d'intervention en France étaient bloquées à se battre contre les Allemands, Patton, lui, démolissait ce qu'il avait. On lui donnait l'ordre de rester. Il continuait. Et finalement, il allait rejoindre sa gang par en arrière. À lui tout seul, il aurait planté l'Allemagne. Et il est rentré à Berlin avant les autres Américains. Patton était la peur bleue, inconsciente, de l'Allemagne. Il a découvert la lance de Longinus. L'Autriche, après la guerre, après le procès de Nuremberg, a exigé que la lance lui soit remise, simplement parce que c'est un trésor national historique autrichien. Les Américains auraient remis la lance. La lance de Longinus avait un clou qui avait été attaché par du fil de cuivre. Un des clous qui avait servi à crucifier le Christ. La lance est présentement encore... on peut visiter le musée. Elle est en Autriche. Il reste à savoir si le clou est là. Quand on fait une reproduction, on ne reproduit jamais les saletés. Étant donné que personne ne connaît, à part Adolf Hitler et certaines personnes ésotériques, la valeur de ce clou, qui est finalement une saleté, parce que c'est attaché tout croche après la lance, si la lance qui est en Autriche n'a pas de clou, c'est que les Américains ont la lance. Ou le clou. Ils sont pas fous. Les Américains ont tout ou rien. Fais confiance aux Américains. Ils vont 2 heures chez vous, puis après ça, t'es colonisé. Alors, ce qui est intéressant de constater, donc, c'est qu'Adolf Hitler a perdu la guerre par nécessité, on le comprend maintenant. Il ne s'est pas réincarné, ni dans la lance, ni dans un égrégore particulier. Il a été digéré et absorbé par la majorité de l'humanité. Parce que les criminels de guerre ont été au Brésil, ils ont été au Canada, ils ont été aux États-Unis, ils ont été partout. Alors Adolf Hitler et Tiber et tout cela complet est maintenant réabsorbé à travers l'humanité, enfin à travers la majorité de certains dirigeants. Il n'y a plus de danger qu'un Adolf Hitler apparaisse. Par contre, ouais, j'allais dire quelque chose qui est dangereux de dire, mais disons que je vais colorer quand même. Certains personnages qui, à un moment donné, à coups de hache et d'épée, ont converti des humains à leur religion, eux sont sur le point de s'incarner. Mais pas Adolf Hitler. Adolf Hitler est réellement désintégré. Ouais. Digéré, cellularisé. Ouais. On peut aller en Allemagne. Pas de danger, on peut aller visiter les musées en Autriche. Ah, on peut aller visiter ces coins-là, évidemment. Dans la lance de Longinus, il reste certaines entités qui ne se sont pas encore projetées. Les entités de Jésus. Mais si et les non Améri... pas les entités du Christ. Si les Américains l'ont gardée, ils l'ont pas dans un musée, la lance. Elle est sans doute à Fort Knox. Ça, on pourra pas voir, celle-là. Tout est possible. Légalement. Période de pause, ensuite la période de questions dans 15 minutes.